cœur éclate comme un nuage de pluie, bruyant et parfumé comme un jour de soleil. Ça pourra refléter la mienne un instant, quand j'ai senti ses lèvres se poser sur les miennes. Je vais glisser ma bouche de sa main à son sein, caressant sa poitrine où s'emballe son cœur. Je m'oublie comme ça, je n'ai pas de meilleure, de plus noble manière pour trouver le bonheur. Tout d'abord je dépose avec le bout de mes doigts comme un sort, un frisson pour entendre sa voix. Et puis la paume ronde pour épouser ses hanches, je regarde ses cils comme les ailes d'un ange. Le cœur éclate alors comme un orage de souffle, brillant et s'agitant comme 10 000 soleils. Sa peau par endroits ardeux de mon souffle, une tension perlée de toute l'eau du ciel. Je m'embrase en sentant son corps contre le mien, se tenir amoureux sans penser à demain. Et les flammes à leur frôle manquaient ma raison, comme brûle le temps dans un feu de passion. Je m'oublie comme ça, en me perdant pour elle, dans le sable émouvant, sur la rive d'un rêve. Elle s'oublie comme ça, pour rendre les nuits belles, se perdant dans le noir et la sueur qui nous mêle. Un frisson tout puissant me traverse tout entier, venu du fond de moi jusqu'aux extrémités, me remonte aux cheveux comme une vague filante. Il renverse mes yeux d'une émotion géante. Assouvissant nos fins dans des échos d'encore, il est temps de laisser reposer nos deux corps. Doucement essoufflé, j'enduis son corps brûlant d'une brise de fraîcheur qui la tient doucement. Mes lèvres bien pendues la regardent perdue, je la mange d'un souffle pour ne pas oublier. Mes lèvres bien pendues la regardent émue, je la mange d'un souffle et d'un dernier baiser.